Unité 54, le pronom complément en. Je voudrais deux croissants, s'il vous plaît. Désolé, je n'en ai plus. Trois, prononciation. On fait la liaison avec un verbe qui commence par une voyelle ou un H muet. Des invités, j'en ai beaucoup. Et des fêtes, j'en organise souvent. On ne prononce pas toujours le nœud de la négation. J'en ai pas. Il n'y en a pas.